Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Les officiers de la police nationale du Burundi à la retraite pourront bénéficier d'une exonération sur l'achat d'un véhicule. C'est une des dispositions du projet de loi portant révision du statut des officiers de la police du Burundi, adopté ce lundi par la Chambre basse du Parlement. Les détails dès le début de ce journal. Deux jeunes filles ont été violées en l'espace de seulement 24 heures en commune et province Rumonge. Un des présumés auteurs de cette infraction, un garçon de 23 ans, est dans les mains de la police depuis ce lundi pour enquête. Et le ciment Bousseco est presque introuvable depuis plus de 3 mois à Bujumbura. Certains acheteurs et commerçants rencontrés par nos reporters donnent l'explication de la demande nettement supérieure à l'offre. Et dans la chronique santé, un médecin urologue nous parlera du cancer de la prostate. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour. L'officier de la police nationale du Burundi à la retraite a droit à une exonération sur l'achat d'un véhicule à l'étranger. C'est une des dispositions du projet de loi portant révision du statut des officiers de la police du Burundi, tel qu'adopté ce lundi par la Chambre basse du Parlement. Lors de l'analyse de ce texte, des députés ont soulevé l'inquiétude comme quoi ces exonérations pourraient dépasser celles qui sont prévues par la loi budgétaire. Mais le ministre de l'Intérieur n'est pas de cet avis. Reportage Moïse Misago. L'article 34 de ce projet de loi donne le droit à un officier de la police qui va à la retraite d'importer un véhicule exonéré des droits de douane et de taxes. Le ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions explique que c'est pour faciliter ceux qui le veulent de s'acheter un véhicule au moment de leur départ à la retraite. Certains élus du peuple estiment que cela va augmenter les exonérations qui sont prévues par la loi budgétaire. Le député Agaton Gwassa est l'un d'entre eux. Concernant les exonérations, la loi budgétaire prévoit 18 milliards, mais chaque année, il y a des passements de ce montant en termes de centaines de milliards. Si on ouvre encore davantage des exonérations, on créerait un manque à gagner énorme à l'État. Pourquoi ne pas penser à accorder un paquet pour ces officiers qui vont à la retraite? Le président de l'Assemblée nationale trouve que l'octroi de ces exonérations aux officiers qui partent à la retraite est compréhensible. Ces exonérations devraient être mentionnées dans les textes d'application, estime le député Daniel Gelas Ndabirabe. L'idée de donner ces facilités aux officiers qui vont à la retraite est compréhensible. Le plafonnement et l'octroi de ces exonérations devraient être mis dans les textes d'application, je pense. Car, à part qu'on peut leur donner un moyen de déplacement, il peut être sous une autre forme. Cette dernière peut retourner à la place du déplacement compensé. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervain Drakobucha, considère l'octroi de ces exonérations à ces officiers que c'est un honneur pour le pays. Un officier de la police qui a bien fait sa carrière avec tous les obstacles qu'il a traversés, s'il atteint l'âge de la retraite et que l'État lui accorde cette exonération, c'est un geste salutaire. Je ne pense pas que ce sont ces officiers qui peuvent augmenter le plafonnement des exonérations. Et surtout que ces véhicules ne sont pas comme d'autres qui achètent des véhicules qui sont chers. Quant à d'autres catégories de membres de ce corps, le ministre Ndira Kobucha précise qu'il a commencé par cette catégorie des officiers compte tenu des moyens que dispose l'État. Merci Moïse Misago. La société sucrière du Mosso dit ne pas comprendre pourquoi la pénurie du sucre persiste à cet endroit, à certains endroits, alors que la distribution se fait comme à l'accoutumée. Jean-Pierre Nzobandora, chargé de la communication à cette entreprise, précise que la société ne peut pas jouer à la fois le rôle de distributeur et de régulateur. Il sollicite donc l'implication de l'administration et du service des renseignements pour démasquer les fautifs. On l'écoute. Vous êtes passé, vous avez vu, il y a des vendeurs grossistes qui sont ici, qui sont en train de charger le sucre. Aujourd'hui, sur le programme, nous avons le quartier Ngagara. Hier, c'était Kamenge. Avant-hier, c'était Rohero. Et ainsi de suite, le programme est affiché et est à la disposition de tout le monde. Les quotas que nous sortons au quotidien sont affichés, sont ici. Alors, question de dire que le problème de sucre s'observe toujours. C'est une question que je peux, qui m'est difficile à répondre parce que le sucre, une fois arrivé au niveau des quartiers, L'assaussement ne peut pas en même temps se comporter comme un distributeur et en même temps un surveillant des cycles dans les différentes avenues, dans les différents coins de quartier. C'est pourquoi chaque fois nous plaidons, nous sollicitons l'appui, le concours de la démonstration, le concours de ces inspecteurs, comme vous les avez vus vous-même. Donc pour qu'ils puissent cette fois coller l'assaussement et suivre comment se poursuit le circuit des cycles là-bas, dans les quartiers. Il y a des cycles qui ont été attrapés récemment dans Guihosha, à part les agents du service de l'anticorruption, avec le concours de l'administration aussi. Ce n'est pas seulement le cas qui date d'avant-hier. Il y a aussi l'année passée dans le quartier Nyakabiga, à gauche, à droite. Donc d'autres cas sont signalés. Et pour l'assaussement, si d'autres cas s'observent, nous les rayons de nos listes. La seule chose que je peux demander, c'est toujours l'appui, la contribution, la participation de l'administration, l'implication de ces agents du service du renseignement, l'inspection du ministère du Commerce et tout autre citoyen et donc qui se sent vraiment responsable. L'idée donc de pointer du doigt une fois si le cycle prend d'autres destinations autres que celles connues. Donc c'est ce que je peux dire. Sinon, tout le monde est concerné. Jean-Pierre Nzovandora, chargé de la communication à la société sucrière du Fumoso et dont les propos ont été recueillis par Raissa Liliane Inamahoro. Difficile de trouver du ciment Bousseco depuis plus de 3 mois. Certains acheteurs et commerçants rencontrés par nos reporters sur différents points de vente à Bujumbura comme au quartier asiatique ou à la gare du Nord disent que la demande est nettement supérieure à l'offre. Ils demandent que ce produit soit disponible en quantité suffisante pour qu'il soit servi aux nécessiteux. Le constat de Jean-Marie Mayonga. Dans les lieux de vente et visités, comme au quartier asiatique et à la gare du Nord, le constat est que le ciment de type Dangote est vendu en grande quantité. Au quartier asiatique, les maisons où se vend le ciment de Bousseco étaient presque fermées et d'autres étaient vides. Certains commerçants disent ne pas savoir pourquoi le manque du ciment Bousseco et précisent que dans ces jours-ci, ce ciment est introuvable. En peu de mots, le ciment Bousseco n'est pas disponible, alors que c'est le ciment préféré par les citoyens. Même si on le trouve, ce n'est pas tout le monde qui est servi. Celui qui veut, par exemple, 10 sacs de ciment en reçoit un, et le ciment provenant de l'extérieur coûte cher. Il demande aux responsables de l'entreprise qui fabrique le ciment Bousseco de doubler d'efforts pour que la production soit revue à la hausse et que les nécessiteux soient servis. Nous demandons aux responsables de l'entreprise Bousseco de doubler d'efforts pour produire plus de quantité. Le ciment Bousseco coûte moins cher. Celui de Dangote est plus cher car il est à 40 000 francs bout le sac. Et ce n'est pas facile pour un simple citoyen de pouvoir l'avoir. Ça devient un problème. Le ciment de Bousseco, qui n'est pas disponible, vient de passer plus de 2 mois sans être trouvé dans différents lieux de vente à mairie de Bujumbura. C'était un reportage de Jean-Marie Mayonga. Il est 13h05 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Deux jeunes filles ont été violées en l'espace de seulement 24 heures en commune et province Rumonge. Les défenseurs des droits des enfants en commune Rumonge déplorent ces cas et demandent que justice soit rendue aux victimes. Un des présumés auteurs de cette infraction, un garçon de 23 ans, est retenu à la police judiciaire de Rumonge depuis ce lundi pour enquête. Jean-Pierre Misako. Sur la colline Rukinga, dans la ville de Rumonge, il s'agit d'une jeune fille de 13 ans, élevée et appuyant dans de petits travaux domestiques, violée par un domestique de 23 ans d'un voisin vers 7h du matin de ce lundi. Selon la police judiciaire de Rumonge, le présumé auteur de cette infraction a profité de l'absence des chefs de ménage selon des sources sur place à Rukinga. C'est après avoir recouvré connaissance que la victime a révélé ce qui lui était arrivé et a été conduite dans un centre de prise en charge situé en zone Kizuka, en commune Rumonge, et le présumé auteur arrêté puis remis à la police judiciaire de Rumonge pour être interrogé. Cela est survenu 14 heures après un autre cas similaire sur la colline Rutumo en zone Minago. Ici, le présumé auteur masqué n'a pas été identifié selon certains des défenseurs des droits des enfants à Rumonge qui suivent de près ce dossier. Cet homme masqué aurait d'abord intimidé les 3 jeunes filles qui étaient à la chasse des oiseaux contre un champ de riz et a isolé l'une d'elles, qui fut amenée à l'administration locale, selon certains de ces défenseurs des droits des enfants contactés, qui indiquent que l'administration et la police devraient faire de tout leur mieux pour identifier l'auteur et le traduire comme celui arrêté à Rukinga à la justice pour être puni exemplairement en cas de culpabilité. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Et deux chefs de colline, celui de Rugenge et celui de Gawazi 1 de la commune Mhanda en province de Bobanza, ont été destitués de leurs fonctions. La décision a été prise dans une réunion du conseil communal tenue ce dimanche. Ils sont accusés de plusieurs manquements, notamment une mauvaise distribution des engrais chimiques et d'une aide qui était destinée aux vulnérables. Nadine Nivitang, administrateur de cette commune, confirme les faits et précise que ces deux élus vont être remplacés. Les détails dans cette correspondance de Specialitas Kamanyana. Lors du conseil communal tenu ce dimanche en commune Mhanda, la décision a été prise de destituer deux chefs de colline, celui de Rugenge et celui de Gawazi 1. Selon les témoins sur place à Rugenge, le chef de colline est accusé d'avoir caché 123 sacs d'engrais chimiques et il a menti aux bénéficiaires que cet engrais est conservé pour les autorités. Il est également accusé de favoritisme envers ceux qui sont supposés lui avoir donné des voix lors des dernières élections, selon la même source. Celui de Gawazi 1, quant à lui, est accusé d'aider les personnes qui cherchent les deux cartes nationales d'identité, ce qui est contraire à la loi aussi. Il aurait mal confectionné les listes pour une distribution d'assistance aux vulnérables. Il y a inséré des fonctionnaires et beaucoup d'autres manquements selon les habitants de Gawazi 1 contactés. Ce qui est également confirmé par l'administrateur de la commune Mhanda, Nadine Nivitanga, précise qu'il ne reste qu'à les remplacer par les deuxièmes sur les listes des chefs de colline. Spécialitas Kavanyana en commune Mhanda pour la radio Isanganiro. Merci Space. Parlons maintenant infrastructure. Une grande partie du chef-lieu de la province Cibitoke se trouve dans le noir depuis plus d'une semaine suite à une panne intervenue sur un transformateur de la régie des eaux. Les usagers du courant électrique dans leurs activités quotidiennes disent qu'ils sont en train d'enregistrer des pertes énormes. Ils demandent que cet appareil soit remplacé dans les meilleurs délais. Le responsable de la régie des eaux à Cibitoke les rassure que les autorités hiérarchiques sont au courant du problème et qu'il pourrait être résolu sous peu. Alexis Ndaïra-Guigé pour plus de détails. Son manque de courant électrique dans une grande partie du chef-lieu de la province Cibitoke s'observe il y a plus d'une semaine. Des sources de la régie des eaux font savoir que cette situation a été due à un transformateur de cette société qui a été endommagé lors des dernières pluies torrentielles. Pour le moment, les propriétaires des pâtisseries, des restaurants, des propriétaires des moulins et des cortiquaises, des menuiseries, des ateliers de soudure, des ateliers de couture, des propriétaires d'hôtels, des bénéficiaires du marché moderne de Cibitoke, c'est la désolation. Ils indiquent qu'ils enregistrent des pertes énormes tout en demandant la réparation ou le remplacement de ce transformateur. Ils continuent en affirmant qu'ils ont certains du mal à nourrir leur famille et surtout de payer leurs travailleurs. Ces derniers précisant également que la vie devient de plus en plus dure dans leur ménage. Le responsable de la régie des eaux à Cibitoke tranquillise en indiquant qu'il a déjà transmis le rapport à ses autorités hiérarchiques que, d'un moment à l'autre, cet appareil peut être réparé ou remplacé. Depuis Cibitoke, Alexis Ndaïra-Guigé, Radio Isanganiro. Merci Alexis. Infrastructure toujours et le quartier Gikongorira manque d'eau depuis 4 jours. Ses habitants qui se sont exprimés à la radio Isanganiro disent craindre des maladies dues à la saleté. Ils demandent aux autorités habilitées de régler ce problème. Jean de Dieu, il a causé. Ces habitants disent que 4 jours viennent de s'écouler sans qu'ils aient de l'eau dans leur robinet. Certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro indiquent qu'ils craignent d'attraper des maladies dues au manque d'hygiène. Nous avons un problème de l'eau. Il y a 4 jours que nous n'avons pas de l'eau ici. Donc l'eau, c'est la vie. Quand on manque de l'eau, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des maladies. Il y a le corona. Quand on ne lave pas les mains, il y a beaucoup de maladies de nez sale qui nous attrapent. Ils demandent aux autorités habilitées de régler ce problème. Nous demandons à l'État pour que l'État puisse régler ce problème. Parce que l'État, c'est la famille de tout le monde. Donc c'est l'État qui doit régler ce problème pour que nous soyons la paix. Parce que si l'eau manque, c'est la désabilité pour tout le monde. Le chef de cellule numéro 7 dans ce quartier indique être au courant de ce problème et l'avoir déjà transmis aux autorités hiérarchiques. Même si l'eau arrive, il n'y a pas de pression. L'eau vient en petite quantité, ce qui fait que d'autres en manquent. On ne nous dit pas pourquoi cette eau n'a pas de pression. Si possible, qu'on nous alimente à partir de tanks situés chez Nibanungagne. L'eau peut venir en grande quantité car elle provient de la haute altitude. J'ai informé le chef de quartier et il m'a dit que l'on est en train de trouver solution à ce problème. Ce manque d'eau s'observe dans les cellules numéro 5, 6 et 7 de ce même quartier Gikungu rural. Jean de Dieu, il a causé un bref en actualité internationale avant la chronique santé qui nous parlera de du cancer de la prostate. Kofi Olomide, la star congolaise, a été condamné à 18 mois avec sursis et une grosse amende, mais relaxé en appel pour agression sexuelle sur quatre de ses anciennes danseuses. Absente du tribunal de Versailles pour le délibérer, la star congolaise de la rumba est en revanche condamnée pour séquestration et écope de 18 mois avec sursis et d'une amende de 72 000 euros répartie entre les quatre victimes qu'il accusait d'agression sexuelle et de séquestration dans sa villa de la banlieue parisienne. C'était au milieu des années 2000. Radio Isanganiro, chronique santé. Le cancer de la prostate est une maladie qui est beaucoup fréquente chez les hommes de plus de 50 ans. Le chirurgien urologue Malebo Toto Chabani fait savoir que certains types de cancers de la prostate croissent lentement. Il rassure que ce type de cancer est traité au Burundi et guérit si la prise en charge est faite à temps. Francine Ndihokumgayo. Nous vous avions parlé dernièrement du cancer de la prostate qui est dû à la présence de cellules cancéreuses qui se multiplient dans cet organe du système reproductif masculin. Le chirurgien urologue Malebo Toto Chabani dit que des examens cliniques s'avèrent nécessaires pour déterminer si oui ou non il y a cancer de la prostate. Le diagnostic, c'est beaucoup plus histologique parce que si un patient qui se présente avec des signes précurseurs de cancer de la prostate, dans ce cas-là, et ce qu'on va faire, on va prendre l'échantillon auprès de la prostate et ce sont ces petits échantillons-là qu'on va examiner avec nos confrères, les histologistes. Et en fin de compte, ils vont nous dire qu'il y a un cancer de la prostate ou il n'y a pas de cancer de la prostate. Et s'il y a un cancer de la prostate, ils vont nous dire le degré de ce cancer de la prostate. Sinon, avant l'histologie, on a quand même certains examens qu'on doit faire, notamment les examens du sang, l'échographie. Il faut faire un examen physique et un examen clinique de la prostate pour voir la prostate, comment elle se présente. Plusieurs traitements du cancer de la prostate combinés peuvent être envisagés en fonction de chaque situation, selon Dr Malebo. Le premier moyen thérapeutique, c'est la chirurgie, qui est faisable même ici chez nous, sans aucune difficulté. C'est beaucoup plus chez les patients avec un cancer de la prostate qui est vraiment localisé au sein de la prostate, qui est au début. Dans ce cas-là, c'est la chirurgie qui est le traitement idéal du cancer de la prostate. Là, on a quand même une guérison du cancer de la prostate à 100%. Et l'autre volet thérapeutique, ce sont les autres moyens thérapeutiques, notamment l'hormonothérapie, et aussi la radiothérapie. Ce sont les types de médicaments qu'on donne beaucoup plus en cas de cancer, qui est localement avancé. L'autre volet thérapeutique, c'est la radiothérapie, qui est très efficace. Et si on associe avec l'hormonothérapie, ce sont des comprimés, voire même des injections faisables, qui sont accessibles, par exemple, même ici chez nous. L'autre volet thérapeutique, c'est la chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est beaucoup plus en cas de cancer qui est vraiment avancé. Dans ce cas-là, on peut associer chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Le quatrième volet thérapeutique, je vous disais, c'est un traitement qui est palliatif. Donc, c'est un patient qui, malgré tout ce qu'on fait, mais il continue toujours à avancer avec les symptômes. Et dans ce cas-là, on peut faire un traitement palliatif. S'il ne peut pas faire petit besoin, on peut juste désobstruer la prostate pour que le patient puisse uriner. L'unique moyen de prévention du cancer de la prostate est de diagnostiquer si tôt. La prévention du cancer de la prostate, c'est un peu problématique parce qu'on ne peut pas enlever les prostates de tous les hommes pour éviter qu'ils puissent présenter des cancers de la prostate. Ça, ce n'est pas possible, ça c'est exclu. Et par contre, ce qui est faisable, il faut déjà cibler les groupes à risque, diagnostiquer trop tôt le cancer de la prostate, en fin de compte, de le traiter le plus rapidement possible, au stade vraiment le plus précoce possible. Ça, c'est l'unique moyen de prévention. Le chirurgien urologue Malebo Toto Chabani conseille aux hommes de 50 ans et plus de se faire dépister au moins une fois l'année pour permettre un meilleur traitement du cancer de la prostate. Merci Francine Deokugayo. Merci docteur Malebo pour ses éclairages sur le cancer de la prostate. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser.